O peito de macaquelo faz um bruit de sul. Rien ne transpire des ardeurs. J'aimais quand je t'aimais. J'aimais quand je t'observais. J'étais d'attaque. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldats sans joie, va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. Des nuits sans voir le jour, à se tenir en joue. Des mois à ses pieds, passés à tenter de s'endormir en paix. Ne plus savoir. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour de vos ses compagnies. L'amour d'un pour ses compagnies. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Sais-tu, sais-tu qu'un salaud a bu l'eau d'une des phares? L'honneur qu'il a perdu sur ce lit de bataille. Soigne les hommes à poigne sous la répétitière. R, R, R, R. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour d'un fossé compagnon. L'amour d'un fossé compagnon. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour d'un fossé compagnie.

C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc toute cette scène. Alors à 67 puis, précisément. 60, disons qu'on va dire 67-69, c'est-à-dire tout. Et okay. puis tout d'un coup, bah, la révolution sexuelle, la liberté, ouais. tout le. Peace and love, le fait, Woodstock. Oui, bien que moi j'ai jamais été côté peace and love, mais cette notion de liberté. Quoi qu'il y a les cheveux lents comme moi, là, oui, mais on a. Ça, voilà, ça, mais c'est pas. C'est son côté artistique, voilà. les cheveux lents. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le côté de la liberté, quoi. Ouais, la notion okay. de liberté que tout d'un coup. C'est encore une des dernières époques où les gens faisaient de la musique, faisaient des choses sans se soucier. Osaient et se disaient, bon, on peut tourner, mais sans se soucier de demain, de se dire d'en faire okay. carrière, se disant que peut-être que dans un an tout sera terminé. C'est mais un peu pas un concis, là. On ne pense pas au lendemain. Ouais, mais le futur. Côté, ouais, nos futurs. Hein. Mais sauf que chez les punks, c'était un nos futurs plus radical. Et puis même encore aujourd'hui, quand tu vas voir, excuse-moi, les Stooges, c'est toujours encore ce côté radical. No Future chez les punks, c'était plus une constatation parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que le No Future chez les punks, c'est parce qu'il n'y a plus de place pour le rêve, vivons le présent, parce que de toute manière, la société est foutue. Oui, effectivement. C'était une plus puis une ils ont de plus en plus raison. Voilà, et parce que, tandis que chez en 67, c'était plutôt, on essaye de faire une autre société. Au cas si une ouverture s'offre à nous. Et, voilà. et si tu étais un mot? Un mot? Ah... Un mot, un verbe. un adjectif. Là, je vais. Ah, si elle a été là, il pourrait m'aider. non, mais là, c'est toi. Ouais, je veux dire. Naïveté. Naïveté. Dans tout. Sens, ouais. Dans tout. Parce que je trouve que la naïveté, c'est vraiment. Le début de la création. Oui, et je trouve que c'est. Justement, c'est. C'est la plus grande force dans l'art, c'est d'être capable de faire plein de choses difficiles, de faire plein de choses, mais tout en gardant un esprit d'enfant, un esprit de... Spontané. Et je trouve que c'est ce qui manque à beaucoup d'artistes encore aujourd'hui, c'est de se prendre... C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes œuvres d'art, et les plus grandes œuvres, c'est celles où on se prend le moins au sérieux, mais on les fait sérieusement, mais en gardant toujours une imperfection, quelque chose de danger, de pas complètement abouti. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est du préfabriqué. On essaye de plaire à plus de personnes possible. Que la naïveté, c'est de se dire, on fait ça comme si c'était la première fois qu'on le faisait à chaque fois. Et comme tu es un épicurien, il y a eu un aliment, ton aliment préféré. Ben non, si tu étais un aliment, excuse-moi. Un aliment? Oui. Alors là... je suis un grand épicurien, donc je veux dire un bœuf bourguignon. Oh, ok, ouais, ok. À la prête. Plat d'hiver, hein. D'hiver? Ah, c'est un plat d'hiver. Hein. Ok, oui, effectivement, mais chez nous, hein, ça souille. Si tu étais une saison en parlant d'hiver, comme disait Gilles Vigneault, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ben moi, ce n'est ni l'été, ni l'hiver. Pourquoi pas l'été? Trop chaud? Oui, je ne suis pas quelqu'un de... Enfin, je n'aime pas les grosses chaleurs. Ok. Je me réveille avec Andra, je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je donne. J'habite au rang de la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écroule-toi, donne-moi du nougat. Écroule-toi, donne-moi du nougat. Je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap, j'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive à me faire chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire, je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit: alors t'as fait quoi? Moi je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait: je viens avec toi, moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Mais non, moi je dirais une saison, ma saison préférée, c'est... Eh ben écoute, c'est le printemps. Oh, parce que tout revient, voilà, tout revient, se renouvelle. Voilà, c'est le départ de quelque chose. Ah, mais plusieurs artistes m'ont dit le printemps. Printemps, et j'aime bien la fin de l'été. J'aime l'automne. Avant que l'automne arrive, c'est-à-dire, nous on n'a pas l'été indien, mais j'aime beaucoup la période septembre-octobre, qui est une période septembre. Oh, mais voilà. L'été indien, ça a donné une belle chanson. Mais sinon, voilà. Mais sinon, c'est. Laquelle? Hein? Laquelle, l'été indien? Ben oui, voilà. Et c'est, ouais, moi je dirais, ouais, le printemps. Ok. Si tu étais un membre corporel. Voilà. Là, on s'en va dans les errances rénaldiennes, mon émission. Non, donc. Mon corporel, la nuque. La nuque, pourquoi? Parce que je trouve que c'est la partie du corps la plus sensuelle et qui a une forme, surtout chez les femmes d'ailleurs. Je trouve que c'est pour la courbe. C'est en peinture, on la recrée avec beaucoup de. Voilà, bah, c'est peut-être le c'est côté de peintre frustré c'est qui c'est le côté sensuel. Ah oui, c'est t'es un toulette, hein? Non, mais j'adore la peinture. Oui, mais tu me l'as dit, tu fais de l'improvisation musicale. C'est-à-dire que je suis autant influencé en regardant une toile qu'en écoutant de la musique. Ok, là, alors quelqu'un qui peint va t'inspirer quelque chose, donc tu vas jouer là-dessus. Les peintres abstraits encore plus. Ok, oui. Si tu étais un moment de la journée. Alors, entre 2h et 4h du matin. Oh, ok, en fin de. À la nuit. Je suis quelqu'un de possiblement de la nuit. Ok. Et entre 2h et 4h du matin, précisément, parce que c'est l'heure où quasiment tout s'éteint. Oui. Et c'est les 2h où souvent je suis plus créatif. Ok. Et où je me sens un espace de liberté où la vie, tout s'est éteint et tout d'un coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus que moi. Okay. Je suis, et tu sens que les ondes sont de ton côté. Et j'adore la nuit, hein. Je suis quelqu'un de nuit qui sort tout le temps. Hein. Je suis un oiseau de nuit. Okay. Mais je trouve que. Bah oui, alors on va dire 3h. 3h du matin. À la ferme, chez nous, 3h du matin, c'est la fermeture des bars. Ouais, mais nous c'est 2h aussi. Oui, ben voilà. Si tu étais un autre individu. C'est marrant, je me pose. Franchement, être un autre individu. Oui. Non, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Ah, mais aucun artiste a voulu être un autre individu. Non, et franchement, et pourtant, avec tous les défauts que ça comporte et tout ce que. Je trouve que. Non, j'ai. Je trouve que vouloir être quelqu'un d'autre, c'est rater sa vie, quoi. Et même si je trouve que nos échecs sont aussi importants que nos réussites. Et non, même si ça sera recommencé, et pourtant il y a beaucoup de choses. On a des échecs dans la vie, on a beaucoup de choses, mais non, le même mais en m'améliorant. Okay. En essayant de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais les erreurs sont les fruits de ce qu'on est. Donc de toute manière. Alors si tu es Yann aujourd'hui, c'est dû au passé que tu as eu. C'est dû à tout, c'est dû aux erreurs, aux réussites et tout ça. Je pense que c'est ça qui crée ce qu'on est, quoi. Oui, notre entité. Voilà. Mais j'admire beaucoup de gens, mais jamais je me suis dit. Je pense que les gens qui veulent être quelqu'un d'autre, justement. Il y a une phrase très, d'ailleurs une phrase de Brigitte que tu entends, que tu connais peut-être, qui est très claire, qui dit beaucoup de gens rêvent d'être quelqu'un d'autre alors qu'ils devraient cultiver ce qui les rend uniques. Oui. C'est une phrase de Brigitte. Oui, Brigitte Fontaine. Elle a tout à fait raison. C'est vrai, c'est vrai. Ça, elle dit des choses incroyables. Voilà, là, c'est, moi, c'est ça, la c'est que s'il y avait une autre phrase de quelqu'un qui disait ce qu'on te reproche, c'est ta qualité, défends-le. Ouais, effectivement. Et développe-le. Ouais, il faut vivre aussi sur notre authenticité, ce qui nous rend unique, voilà. Notre singularité, non pas se confondre à la masse et être. Voilà. Donc voilà, après ça m'empêche pas d'admirer toutes les artistes que je t'ai cités, mais être quelqu'un d'autre, de toute manière. Moins bien que l'original. Donc, Oui, effectivement. Et crois-tu éventuellement, comme c'est une émission québécoise, venir à Québec et au Québec avec un artiste? Ah, j'adorerais. Moi, cette année, de ne pas y être allé, ça m'a beaucoup attristé parce que. Il y a beaucoup de festivals à Québec. Mais si Brigitte avait voulu prendre l'avion, on y serait. Ah, ouais, mais. Mais Brigitte est une star au Japon. Elle ne va pas au Japon parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion. Elle ne prend pas le train parce qu'elle ne peut pas fumer dans le train. Elle a refusé une émission également parce qu'elle devait rester 3 heures sur un plateau, oui. Sans fumer, elle a refusé. Et le mec en question, dont je tairai le nom, dont tu dois connaître, le lendemain, à une émission de radio, a descendu son album. C'est pas grave. Tu sais qui? Non, je ne sais pas. Non? Non, je ne sais pas. OK. Bon, c'est ridicule si c'est pour ça. Un animateur à lunettes. Ah oui, je vois qui c'est. Bah, c'est pas bien grave au final. Non, mais elle-même, ça n'est pas offusqué. Oups. Attends. Oui, c'est celui qui anime une émission tous les samedis à la télé. Oui, exactement. Oui, mais il connaît pas grand-chose en musique en même temps. Mais il faut dire également que l'émission, on sait. Et puis tout ce qui voulait de Brigitte, c'était encore qu'elle fasse son numéro, quoi. Oui, exactement. Oui, oui. C'est le fameux mec du samedi soir. Oui, exactement. On n'est pas couché. Oui, bah oui, bah écoute, c'est pas bien grave. Pas bien grave parce que son album est extraordinaire. En c'est film. Vrai, extraordinaire. Et je veux dire, Brigitte est une grosse fumeuse. Oui. Et elle peut pas rester une heure sans fumer. Bon, ben, c'est comme ça. Elle n'arrêtera jamais de fumer. Bon, maintenant, à son âge, pourquoi elle arrêterait? Mais Alain Bachon lui a arrêté de fumer. Il avait sérieusement ralenti, mais il avait jamais complètement arrêté. Ouais. Voilà. As-tu des regrets d'artistes que tu aurais aimé jouer avec eux, mais malheureusement Gainsbourg. Ok, ouais, c'était ma phrase. Gainsbourg, hein. Gainsbourg, oui. À quelle époque? Bah, étonnamment, non, moi, mais à l'époque où j'aurais aimé jouer avec lui, il faisait pas de concert à l'époque. Non, parce que moi, le Gainsbourg que je préfère, c'est le Gainsbourg de la fin des années 60, c'est-à-dire. L'homme à tête de chou. Ouais, même avant, c'est-à-dire tout entre la fin des 60 et. Juste avant qu'il fasse ses albums reggae, en fait. Ok. Période juste avant, c'est-à-dire. Vu de l'extérieur. Oui. C'est cette période-là. Oui, lui. Donc, du coup, quelque part, quand j'ai joué avec Jane Birkin, c'était quand même un vrai plaisir parce que ça m'a permis quand même de jouer des chansons de Gainsbourg. La musique de Gainsbourg. Voilà, donc ça a été quand même un moment très important pour ça. Donc, ça, je suis. De ce côté-là, je suis vraiment ravi. Mais ouais, voilà. Oui, en France, Gainsbourg, Léo Ferré. Oui, bon, j'aurais adoré travailler avec Léo Ferré. Il ne jouait qu'avec des bandes. Hein. C'est les trucs qui étaient préenregistrés. Il a fait des concerts aussi avec grand orchestre. Oui, mais très rarement. Ouais. Mais bon, ça reste. Oui, un monument, un monument. Mais voilà, donc moi je te dis en France, hein, après à l'étranger, il y en a plein. Ah oui, plein. Elvis Presley, sans doute. Ah bah oui, Elvis Presley, les Beatles, pourquoi pas. Oui, non, mais là, si tu veux, dès qu'on rentre dans le domaine étranger, la liste, on peut mettre 10 000. Ah, bon, mais c'est vrai qu'en France, je dirais, oui, c'est Gainsbourg, Léo Ferré, une personne. Oui, ça, oui. Une personne où j'aurais vraiment rêvé, et en plus, je connais plein de gens qui ont travaillé avec elle, qui m'ont dit que si on s'était rencontrés, on aurait vraiment bien fonctionné. Ah, ouais. C'est Barbara. Ça, c'est, voilà. Je dirais que mon plus pourquoi grand regret, vous auriez bien fonctionné. Bah parce que je sais pas, il paraît les personnalités, les gens qui ont travaillé avec elle, qui me connaissent, parce qu'il y a des techniciens qui ont travaillé avec Bachung, qui ont travaillé avec Barbara. Ouais. Je parlais aussi avec Mahu, le percussionniste d'Ijlin, qui a travaillé avec Barbara, qui m'a dit écoute, vous aviez la même. Il m'a dit je connais ta personnalité, je connaissais la personnalité de Barbara, vous auriez travaillé ensemble, vous seriez entendu, mais vous étiez fait pour travailler ensemble. Musique de Barbara? Je suis un grand fan de Barbara. La chanson de Barbara, exemple, si je veux faire jouer une pièce musicale après notre rencontre. Mes hommes. Mes hommes, ok. Yann, merci de ta rencontre. Moi aussi, c'est un vrai plaisir. Et ici à Paris, sur la rue Oberkampf, oui, Paris. Au Café Charbon, qui est oui, c'est un endroit in. Ah oui, c'est l'endroit branché de la rue Oberkampf. Ok. Mais in, c'est l'endroit, si des Québécois viennent un jour à Paris, s'ils viennent entre minuit et 2h du matin,